Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous vous situez. Bienvenue chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro dans cette émission Forum Jeune. À la présentation de cette émission, Pacifique Chubahiro. Au mois d'août, Mademoiselle Ange Bernice Ingabire a été élue Miss Burundi 2016-2017. Aujourd'hui, l'heureuse élue se fait remarquer dans certaines activités organisées ici et là. Tantôt dans les visites des malades, dans des différents hôpitaux, tantôt dans certaines activités de célébration des journées internationale. Aujourd'hui, on se demande en quoi se résume le travail des Miss une fois élues. Être Miss, est-ce une charge ou un privilège? C'est facile de porter son nom au regard des perceptions des gens. Comment apprécie-t-elle ses nouvelles relations avec les gens? Que doit-on apprendre de ces difficultés? Comment soigner surtout l'image de la Miss à travers ses actions et l'aider à jouer pleinement son rôle dans la société? Voici ces quelques questions, objet de notre débat ce soir sur la radio Isanganiro dans cette émission Forum Jeune. Et pour cela, nous accueillons Mademoiselle Ange Bernice Ingabire, Miss Burundi pour l'année 2016-2017. Bonjour et bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Bonjour et merci de votre accueil. Merci beaucoup pour être des nôtres aujourd'hui dans les sites de la radio Isanganiro. Et à vous tous qui êtes à l'écoute de la radio Isanganiro, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Isanganiro. La radio de l'avenir. Mademoiselle Bernice, aujourd'hui, ça fait quelques mois. En quoi peut se résumer le travail de Miss Burundi pour cette année? Oui, merci de la question. À quoi se résument actuellement mes actions, ce que j'ai déjà fait? Bon, d'abord, on nous choisit pour un projet. Donc, on présente un projet et... En regardant le projet, donc comment tu l'as défendu et tout, la chance est tombée sur moi. Et mon projet concernait l'assistance socio-financière aux enfants qui naissent avec des malformations et qui vivent avec des handicaps physiques. En gros, mon travail doit être beaucoup centré sur ce projet. Donc, mais c'est un peu difficile parce qu'on nous a élus un peu à la fin de l'année et... C'est difficile de trouver des financements parce que partout en Toc, on nous dit le budget annuel alloué à ce genre d'action est déjà terminé, donc vous allez retenter l'année prochaine et on est un peu limité dans nos actions. Donc actuellement, ce que j'ai déjà fait des visites dans différents centres un peu partout dans le pays, comme le centre Saint-Quisito, centre Sénard à Gitega et le centre Saint-Bernard à Makamba. Et j'ai causé avec des mamans... avec ses enfants handicapés pour savoir ce dont ils ont vraiment besoin et ce qui m'aide à vraiment à bien orienter mon projet, donc selon leurs besoins, selon leurs désirs, ce qu'ils attendent de moi. Et mais aussi j'ai déjà signé un partenariat avec le réseau des centres des handicapés, ce qui va me faciliter à arriver dans des endroits un peu plus éloignés d'ici dans le pays, parce que ce sont des gens qui ont des structures déjà établies et ça va me faciliter la tâche. Voilà, donc vous présentez un projet comme un parti politique qui va se faire élire, mais finalement au niveau de l'organisation, comment on organise votre programme pour que ça soit mis en exécution? Bon, disons que c'est un peu difficile cette année. Déjà, le concours de Miss Burundi a été relancé après 4 ans d'absence. Et les gens qui ont organisé Miss Burundi cette année, ils sont nouveaux. Ce ne sont pas les mêmes qui ont organisé ça dans les éditions précédentes, antérieures. Et c'est un peu difficile, mais on nous aide à toquer un peu partout. En fait, on essaie de nous guider, de nous dire « fais ceci, fais cela ». Mais... le gros parti du travail, c'est il revient à nous. Donc, c'est nous qui doivent établir le projet, qui doivent cibler les gens avec lesquels on veut travailler. Donc, on fait tout et eux, ils nous guident. Actuellement, on nous dit vous êtes des personnes qui sont vraiment grandes, qui savent quoi faire ou pas. Et c'est une expérience qui va vous aider à encore plus grandir. Donc, essayez de faire le gros du travail. Et là où il y aura un manquement... vous allez nous contacter, on sera là pour vous. Une fois élu, au regard de la charge que vous avez et un plan que vous devrez exécuter, on peut dire que Miss Burundi, c'est une charge ou un privilège? Bon, disons que c'est une responsabilité. Être Miss Burundi, ça demande beaucoup. Bon, d'abord, tu vas passer un peu plus de temps à faire un travail que tu ne faisais pas avant. tu vas être impliqué dans beaucoup de choses. On va t'inviter ici et là. Tu devras faire des discours pour encourager les jeunes. Tu devras être un modèle. Mais aussi, ça t'ouvre beaucoup de portes. Ça t'ouvre beaucoup d'horizons. Tu vas rencontrer des gens que tu connaissais pas avant. Tu vas avoir des contacts. Par exemple, actuellement, je peux me dire si j'ai besoin de celui-là, je sais où passer. Je sais par où passer. Je passerai par ici. Et c'est un peu facile avec le titre. Donc, les gens te donnent plus d'opportunités que par rapport à ce que tu étais avant. Bon, c'est une responsabilité parce que t'as des devoirs, tu dois faire un grand boulot quand même, mais c'est aussi un privilège. Donc ce sont les deux en même temps. Les deux en même temps. Est-ce que l'image que ça vous donne aujourd'hui, c'est la même image que vous aviez avant d'être élu Miss Burundi pour cette année? Est-ce que vous restez la même personne, Bernice? Bon, l'image que j'avais avant, en fait, avant, bon, je me dis que même les gens qui n'ont pas la chance d'être élus Miss, ils pensent que être Miss, c'est être là, on fait tout pour toi, t'es juste là pour être affiché sur les écrans, passer sur des réseaux sociaux, donc t'as rien à faire, on t'escorte, tu as tout le monde comme à tes pieds, c'est ça, c'est ce que les gens pensent, mais c'est vraiment pas ça, parce que t'es obligé de faire, bon, si tu restes assise, tu vas rien faire, tu vas carrément rien faire, et les gens diront, on a élu une Miss, mais on ne sait même pas qu'elle existe, on connaîtra qu'il y a une Miss le jour où on t'a élu, mais on va se souvenir de toi le jour où on élura une autre, pour dire que l'autre qui a été précédente était celle-ci. Bon, du moins, tu dois travailler pour que tu puisses laisser des souvenirs, pour que les gens puissent se souvenir de toi. Mais aussi, ça aide un peu parce que tu grandis. Tu as une ouverture d'esprit, tu penses à autre chose, tu commences, disons, à être, comment on dit, je ne dirais pas plus intellectuel, mais d'abord, tu dois affronter les gens. Par exemple, si tu vas demander de l'aide, des sponsors, des gens te demandent, ok, je vais te sponsoriser, mais essaie de m'intéresser, de m'intéresser, parce que tu peux présenter ton plan, mais ne pas intéresser celui dont tu demandes. Et vous jouez un peu du marketing. Justement, ils te demandent, intéresse-moi, essaie de, et là vraiment tu dois sortir de toi-même. Donc tu vas dire, ouais, j'ai des principes, mais je dois faire tout pour que je puisse sortir ici vainqueur. Et ça aide un peu à grandir. Est-ce que vous n'en faites pas face quelquefois à des gens qui voudraient absolument vous défier? Bon, jusqu'à présent, non, j'ai pas encore rencontré ce genre de personnes. Ouais. Pourquoi? Bon, en fait, il y a des gens qui, bon, par exemple, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui essaient de te défier, qui te disent t'es en train de rien faire et tout, mais je me suis fixé comme objectif, que j'ai un objectif et je dois le suivre. Peu importe, parce qu'il y aura des gens, bien sûr, qui viendront pour essayer de te rabaisser et tout, et si t'es toujours là pour les écouter, tu vas rien faire du tout. Donc, j'essaie de regarder dans ma direction, ne pas écouter ce genre de personnes. J'ai entendu qu'il y a certains événements que vous, personnellement, vous décidez de ne pas apparaître, quand bien même vous êtes invité. Et qu'est-ce qui pourrait vous aider à prendre d'autres décisions là où vous êtes invité, faire un choix, ici je serai, ici je ne serai pas? Bon, être Miss, d'abord, c'est pas une chose facile, parce qu'il y a une tenue que tu dois avoir. Tout le monde te prend comme un modèle, tout le monde te prend comme un exemple à suivre. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que, d'abord, ça va contre tes mœurs, tes mœurs, ta culture, mais aussi pour que tu puisses donner cette image-là que les gens attendent de toi. Et bon, il y a des activités, par exemple, auxquelles je participe pas parce que ce sont des activités qui vont contre mes mœurs, qui vont contre mes convictions à moi. Et du coup, je décide de ne pas y aller parce que, un, je suis pas intéressée, deux, je veux pas apparaître comme... Est-ce qu'à ce niveau, vous ne pouvez pas avoir un conflit d'intérêts entre l'organisation et vous personnellement? Non. Si l'organisation, le staff dit absolument, il faut que votre présence soit ressentie dans tel événement et que vous personnellement, vous ne ressentez aucun intérêt par rapport à cette activité, comment vous faites pour imposer votre choix? Bon, je crois qu'actuellement, en fait, l'organisation, oui, il nous aide à réagir dans ce genre d'activité et tout, mais si nous, on décide décide, on dit moi je peux pas y aller parce que ça va contre mes convictions. Eux, ils n'ont rien à dire, c'est nous qui avons le dernier mot. Ouais, ils peuvent nous conseiller, nous dire non, il faut que tu y ailles parce que il y aura des gens, tu pourras avoir des contacts, tu pourras avoir tout ceci, mais le dernier mot revient toujours à nous, donc tu peux dire je veux pas y aller. Combien, si ce n'est pas un secret, combien de fois tu refusais, c'était dans quel événement? je préfère ne pas le dire sur les ondes de la radio, mais j'ai juste refusé une fois. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais l'organisation aussi ne me poussait pas à y aller, donc c'était de plein gré. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans l'émission Forum Jeune et que nous discutons avec mademoiselle Ange Bernice Ingawire, Miss Burundi pour l'année 2016-2017. Et aujourd'hui, on parle surtout de la préélection. Aujourd'hui, elle est appelée à apparaître ou à parrainer certaines activités, du coup un travail qui tantôt facile, tantôt difficile, selon les choix. Mademoiselle Bernice, aujourd'hui, tout le monde voudrait être à ta place, mais il n'y a que la seule. Est-ce qu'en soi, vous avez cette responsabilité de pouvoir incarner les idées des jeunes, être un modèle pour les jeunes? Est-ce facile d'incarner cette image que peut-être l'organisation ou l'ensemble de la société voudrait que vous ayez? Non, c'est pas vraiment facile parce que d'abord, ça demande du temps, ça demande aussi d'avoir du courage parce que c'est quelque chose qui demande vraiment d'être présente partout. Par exemple, si c'est pour les jeunes, tu dois apparaître dans des activités organisées par des jeunes pour donner un message, leur montrer que tu es là pour eux, leur inspirer, leur parler de ton travail. Essayer de les montrer qu'être mis, c'est quelque chose de bon. Tu essaies de leur transmettre ce message-là, donc de leur transmettre cette envie. Et des fois, c'est vraiment pas facile parce que être partout en même temps avec les études et tout, c'est pas facile. Mais je crois que jusqu'à présent, j'essaie vraiment d'être là où on m'invite, là où il faut, avec des jeux. Ouais. Vous aviez un peu parlé du niveau d'organisation et vous avez dit que l'organisation d'aujourd'hui, c'est un peu nouvelle par rapport à celles qui ont tout fait pour qu'on puisse avoir plusieurs éditions antérieures. Mais finalement, on peut se dire, est-ce que la manière dont ça se fait aujourd'hui dans nos pays, ça égale le niveau international? Quelle est votre appréciation par rapport à l'organisation de ce genre d'édition, Domis? Bon, disons que ici au Burundi, on est vraiment derrière les autres, le niveau d'organisation et tout, parce que dans d'autres pays, on organise tout, on planifie tout pour l'année. Donc, t'es l'UMIS, t'as tout le programme pour l'année, on te dit tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et on leur facilite aussi la tâche pour participer dans d'autres concours internationaux. Mais déjà, pour nous, c'est un problème de participer dans d'autres concours internationaux parce que ici au Burundi, il y a d'abord le gouvernement qui ne comprend pas trop, qui ne nous soutient pas trop. Et c'est un peu difficile aussi pour l'organisation de nous trouver les tickets. C'est vrai, il y a des invitations pour des concours, mais tu peux accepter ce genre d'invitation, mais tu ne sais pas comment tu vas y participer parce que tu n'as pas l'argent pour le ticket d'avion, tu n'as pas l'argent pour les frais de participation. Et du coup, c'est vraiment un problème. Or qu'ailleurs, on fait tout pour que leurs candidates puissent participer, apparaître partout pour que leur pays soit représenté. Mais ici, franchement, c'est un problème. C'est un problème auquel on se heurte, mais on essaie toujours de montrer aux gens, aux organisations qu'on travaille et qu'on veut vraiment représenter notre pays. Ouais, on essaie. Et au niveau du ministère de la Jeunesse et de la Culture, je me dis que c'est là où on devrait avoir plus de soutien. Est-ce que vous avez déjà fait un pas? Quelle a été la réponse? Au niveau du ministère de la Jeunesse et Culture, disons qu'on n'y est pas encore allé personnellement, mais on compte y aller à partir de l'an prochain, dès le début de l'année, pour leur parler de nos activités et de tout et voir comment ils réagiront. Ouais. Donc, vous êtes Miss, mais à côté, il y a deux dauphines, c'est comme ça qu'on les appelle, mais c'est plus la Miss qui apparaît. Est-ce que vous travaillez de concert avec les deux autres pour que vous puissiez faire émerger vos projets, même si le tien doit être prioritaire? Bon, moi personnellement, j'essaie de les impliquer dans tout ce que je fais, dans toutes les activités, même si je suis invitée seule, je leur exige que s'ils m'invitent, je dois venir avec mes deux filles pour que je sois pas la seule à être présente dans les activités, pour que je sois pas la seule à être vue comme celle qui participe, parce que les années antérieures on se rappelle qu'il y avait Miss Alida, il y avait Miss Ariella, mais les dauphines, carrément, des fois, on s'en rappelle même pas. Et c'est vrai, chacune a son projet, qu'elle fait, disons, à part, mais d'autres activités, on les fait ensemble. Par exemple, on les invite quelque part pour parler aux jeunes, on y va ensemble. On organise un événement, par exemple, le vendredi passé, on avait préparer un événement de Noël, j'étais avec les dauphines. Même les autres activités qu'on va préparer à partir de l'an prochain, on sera avec elles. Ouais. Certains qui suivent le travail des Miss ou des jeunes qui sont vraiment intéressés par vos activités en comparant les vôtres à celles d'autres Miss antérieures, dira-t-on que le silence a été votre mode opératoire? Est-ce que ça vous aide plus plutôt que bavarder? Comment le silence? Le silence, vous ne parlez pas trop à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, et certains se demandent, est-ce que ça, c'est votre mode opératoire? Bon, je sais pas si ces gens, franchement, consultent les réseaux sociaux. Sinon, en tout cas, je fais parler de moi à travers les réseaux sociaux. Les médias, c'est pas bon. Peut-être les médias, c'est un peu pas trop. Mais je compte le faire aussi à partir de l'an prochain. Mais par contre, les réseaux sociaux, je fais parler de moi. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a tous les réseaux sociaux. Je suis présente. Il y a Twitter et je mets chaque activité que je fais. Ouais. J'ai aussi une page Facebook où je poste chaque jour ce que j'ai fait, ce qui est en rapport avec mon projet ou en rapport avec d'autres activités. Une page qui intitulée Miss Burundi 2016-2017, Ange Bernie Singabile. Donc, que les gens consultent et pourront voir que j'essaie vraiment de travailler et de faire connaître ce que je fais. Ouais. En soi, vous êtes en pleine activité, mais déjà, quels sont les défis auxquels vous faites face, même si vous n'avez pas fini votre mandat, entre guillemets, mais quand même, pour la prochaine édition, qu'est-ce que vous suggérez pour que le travail de Miss soit le meilleur possible? Bon, d'abord, être Miss, c'est être présente un peu partout, faire beaucoup de choses, apparaître dans des activités, faire ce qui est en rapport avec le projet et tout. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, les années antérieures, quand on choisissait une Miss, on lui donnait une voiture. Et c'était vraiment la chose qui était vraiment, comment dire, la chose qu'elle avait vraiment besoin. Donc, on lui donnait une voiture parce que c'est ce qui allait plus lui servir. Actuellement, on n'a pas donné de voiture et c'est vraiment difficile de se déplacer, de participer à tout ce genre d'activité alors qu'on n'a pas de moyens de déplacement et on est vraiment limité. Quand on participe à ce genre d'activité, on nous dira la Miss de cette année est vraiment arrogante, elle n'a pas voulu venir ici, mais des fois on est limité dans nos déplacements, faute de moyens. Et les gens ne comprennent pas trop, vu que c'était quelque chose qui avait lieu il y a 4 ans, qui n'avait pas eu lieu il y a 4 ans. Tu vas quelque part, on te dit ah, c'est toi la Miss. Bon. Et tu fais quoi? Donc, on comprend pas vraiment ce que ton rôle. Ailleurs, une Miss, c'est quelqu'un vraiment de respecté. On voit que c'est une place c'est quelque chose qu'on devait soutenir pour encourager les jeunes filles et tout. Mais ici au Burundi, c'est vraiment pas le cas. Donc, ce que je conseillerais à l'organisation, mais aussi au gouvernement, c'est d'encourager, c'est de mettre un peu plus de moyens dans ça. Essayer d'encourager les jeunes filles. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent faire un impact ici dans le pays. Mais la société ne nous encourage pas. On est vraiment limité. On est. Disons qu'il n'y a pas assez de plateformes pour ça. Donc, il faudrait qu'on mette beaucoup de moyens dans ça pour que la Miss puisse bien travailler, disons, ouais. Voilà, c'est sur tes souhaits que nous mettons un point final à notre émission Forum Jeune. Je dis sincèrement merci pour avoir été des nôtres dans cette émission Forum Jeune. Et aux auditeurs, je rappelle que notre invité, c'était Ange Bernice Ingabire Miss Burundi pour 2016 et 2017. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Ouais, merci aussi à vous pour votre invitation et m'avoir donné le temps de m'exprimer. Voilà, et nous parlons justement de ses activités après son élection. C'était en août 2016. Elle va continuer à travailler jusqu'en 2017 avant d'avoir une autre Miss. Micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubahiro. À vous tous qui avez suivi cette émission, nous vous disons merci, au revoir et bonne suite des programmes sur la radio.